des 35 pieds, il y a qui devant, on est vite devant, c'est contre Iban, il va porter mon main. Maman des 35 pieds, il y a qui devant, on est vite devant, c'est contre Iban, il va porter mon main. Ah si vous en saviez bon, oui si vous en saviez tout, ah si vous en saviez bon, allez ça là, maman est toujours, oui si vous en saviez bon. Allez, salam, va pour moi.